Ça caille. Bon, je pense que mon message a été compris, car désormais je suis contacté par davantage de gens qui veulent m'aider. Alors, cependant, pour éviter les confusions, je vais désormais attribuer à tout le monde un nom de code. On va commencer avec ce qu'on a déjà fait. Donc, la personne qui m'a permis de découvrir la photo des frères Hassenfeld, elle, c'est l'archiviste. La personne d'Islande qui m'a vendu les photos du journal du moine, c'est Tranche Napolitaine. La personne qui m'a parlé de la preuve dans Joséphine Ange Gardien, elle, c'est la petite fille du caméraman belge. Retenez bien son nom. Bon, encore une fois, je dois vous parler d'un truc. Alors, bon, une nouvelle fois, je regardais Godomens. Bon, j'étais encore à la recherche d'un indice quand là, je l'ai vu surgir, en fait, au début du second épisode. Et j'en reviens pas parce qu'en fait, c'est évident. C'était évident et c'est le truc que je l'avais sous les yeux, mais depuis le début, quoi. Vous prenez la série, second épisode, vers le tout début, quand Gabriel et Sandalphon vont dans la librairie d'Aziraphale. Et en plus, je vous en ai parlé de ce passage. Alors, leur but, c'est de faire comprendre à Aziraphale, donc qui souhaite lui parler en privé, tout en essayant d'imiter les humains pour ne pas se faire repérer. Et c'est là qu'on a droit vraiment à ces répliques qui sont bah, géniales, dont je vous en ai parlé, c'est « Bonjour, donc je suis venu pour acheter de la pornographie !» Oui, nous les humains, nous sommes extrêmement gênés quand il s'agit d'acheter de la pornographie ! Un autre indice qui m'a frappé, donc, c'est leur tenue, les costumes. Alors, d'ailleurs, justement, donc, à Gabriel, ils lui font même dire « I love the suit », soit donc « J'aime porter le costume ». Alors, innocemment, je pensais que c'était une référence à la série Mad Men, vu que c'était bah, le même acteur, en fait, donc qui joue Don Draper. Mais en fait, je crois que c'est juste, en fait, pour détourner l'attention. Alors, maintenant, on va faire un retour dans le passé. 1953. Donc, nous sommes seulement 6 ans après l'affaire du crash de Roswell, et un certain Albert Bender, en fait, est fortement intéressé par les ovnis, et publie sur le sujet pendant un moment avant de subitement tout arrêter. Ce qui se passe, c'est que des années plus tard, en fait, donc, il dira qu'il l'a fait sous la contrainte après avoir reçu la visite de plusieurs personnes en costume qui l'ont menacé. Ce qui se passe, c'est que dans le monde, en fait, donc, année après année, on retrouve ce genre d'histoire. Toujours des personnes qui reçoivent des visites de gens en costume pour leur parler en privé et les intimider. Et petit à petit, en fait, donc, ces personnes, donc, elles reçoivent un surnom qui est celui de Men in Black. Alors, des films, en fait, donc, leur ont même été consacrés, justement, mais à mon avis, ça a été fait dans le but de brouiller les pistes, en fait, en faisant croire que ce n'était juste qu'une fiction comique. Mais, si on regarde bien, dans les témoignages, donc, ces personnes sont souvent deux, comme Gabriel et Sandalphon. Ces personnes sont en costume, comme Gabriel et Sandalphon. Ces personnes ont du mal à comprendre des concepts humains basiques, comme Gabriel et Sandalphon. La preuve, à un moment, Gabriel lui dit « Eh bien écoutez, je souhaiterais acheter un de ces objets physiques. » Et Sandalphon est obligé de lui dire « Oui, ben, un livre, quoi. » Bon, voilà, fin de la parenthèse, donc. Aussi, donc, les fameux Men in Black, donc, tentent de se faire passer pour des humains, mais ne trompent absolument personne, comme Gabriel et Sandalphon. Ces personnes veulent parler en privé, comme Gabriel et Sandalphon. Ces personnes vous intimident pour vous forcer à faire quelque chose, comme Gabriel et Sandalphon. Eh, franchement, ça fait beaucoup de coïncidences, non ? Bon, par contre, maintenant, ce qu'il va falloir que je trouve, donc, c'est... Pourquoi Gabriel et Sandalphon, en fait, harcèlent des témoins d'OVNI ? Voilà, ça, je ne sais pas encore, mais je... Enfin, voilà, j'ai une piste, je pense que je vais bientôt pouvoir vous dire ça. Donc, je vous dis à bientôt, j'espère, vraiment. Surtout, faites très, très attention à vous, j'insiste à chaque fois, mais vraiment, faites très attention à vous. Et à bientôt.